D'où vient ce mal profond ? Demanda la baronne. Du manque de religion, répondit le médecin, et de l'envahissement de la finance, qui n'est autre chose que l'égoïsme solidifié. L'argent, autrefois, n'était pas tout. On admettait des supériorités qui le primaient. Il y avait la noblesse, le talent, les services rendus à l'État. Mais aujourd'hui, la loi fait de l'argent un étalon général. Elle l'a pris pour base de la capacité politique. Certains magistrats ne sont pas éligibles. Jean-Jacques Rousseau ne serait pas éligible. Les héritages perpétuellement divisés obligent chacun à penser à soi dès l'âge de 20 ans. Eh bien, entre la nécessité de faire fortune et la dépravation des combinaisons, il n'y a pas d'obstacle, car le sentiment religieux manque en France, malgré les louables efforts de ceux qui tentent une restauration catholique. Voilà ce que se disent tous ceux qui contemplent, comme moi, la société dans ses entrailles. « Vous avez peu de plaisir, » dit Hortense. « Le vrai médecin, » répondit Bianchon, « se passionne pour la science. Il se soutient par ce sentiment autant que par la certitude de son utilité sociale. Tenez, en ce moment, vous me voyez dans une espèce de joie scientifique, et bien des gens superficiels me prendraient pour un homme sans cœur. Je vais annoncer demain à l'Académie de médecine une trouvaille. J'observe en ce moment une maladie perdue, une maladie mortelle d'ailleurs, et contre laquelle nous sommes sans armes, dans les climats tempérés, car elle est guérissable aux Indes. Une maladie qui régnait au Moyen-Âge. C'est une belle lutte que celle du médecin contre un pareil sujet. Depuis 10 jours, je pense à toute heure à mes malades, car ils sont deux, la femme et le mari. Ne vous sont-ils pas alliés ? Car, madame, vous êtes la fille de M. Crevel, dit-il en s'adressant à Célestine.